بسم الله الرحمن الرحيم. قضية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية قضية خلافية تكلم فيها كبار العلماء وألفت فيها المؤلفات، وفي الحقيقة العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. La question qui est lire la Fatiha derrière l'imam pendant les prières à voix haute est une question dans laquelle il y a divergence, et les savants ils ont écrit des ouvrages sur cette question. Donc le premier dire pour cette question, c'est le dire de Abu Hanifa. Il dit que la personne elle ne lit pas le Fatiha, que ce soit dans la prière à voix haute ou dans la prière à voix basse. هذا قول أبو حنيفة. قول الثاني c'est le dire de الشافعي رحمه الله وابن حزم من الظاهرية والبخاري. Ils ont dit que l'eau, il y a, c'est une obligation de lire Al-Fatiha, que ce soit dans une prière à voix basse ou dans une prière à voix haute. في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. C'est une obligation de lire Al-Fatiha, et ils se sont basés sur des hadiths qui sont authentiques. Le troisième dire, c'est le dire de Ibn Taymiyyah rahimahullah ou Malik. قالوا أن المصلي يقرأ الفاتحة في السرية ولا يقرأها في الجهرية. Ils ont dit, donc le troisième dire, ils ont dit que celui qui prie, il ne lit pas al-Fatiha pendant les prières à voix haute, et il la lit pendant les prières à voix basse. Donc, بإذن الله سنتكلم بتجرد للحق. Donc, on va voir, يعني, la plus juste des paroles. Je vais rapporter le dire de Al-Shawkani. Donc, je me suis arrêté sur le dire de Al-Shawkani dans son livre, Nil Awtar, fi Sharh Muntaqa Al-Akhbar, min Ahadith Sayyid Al-Akhyar. Donc, c'est un livre, Mujallad Al-Awwal. Donc, j'ai entre les mains ce livre. On regarde ce qu'il dit. الشوكاني رحمه الله تعالى. دونك باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع الإمام. كيس كيل دي ابن الشوكاني رحمه الله يسيت حديث دو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. دونك الحديث يجي الحديث رواه الترمذي ومسلم وصحيح. Il a dit que si l'imam fait le takbir, donc vous aussi vous faites le takbir. Wa idha qara'a fa ansitu, si il lit, vous écoutez. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Donc page, donc je vous donne la page. La page c'est 223, Mujallad al-Awwal. Il dit ihtajja bidhalika al-qa'iluna anna al-mu'tamma la yaqra' khalf al-imam fi as-salat al-jahriyah. وهم زيد بن علي والهادي والقاسم واحمد بن عيسى وعبيد الله بن حسن العنبري واسحاق بن راهويه. Ceux qui disent que la personne ne doit pas lire derrière l'imam pendant le jahriya, il a rapporté que Ahmed aussi il dit ça. Ahmed aussi il dit que la personne elle doit pas lire derrière l'imam dans les prières à voix haute. Wa Ishaq wa Ibn Rahawayh wa Malik. Lakin al-Hanafiyya qalu la yaqra khalf al-imam la fi as-sirriyya wa la al-jahriyya. Il dit ensuite, mais Ahnaf ils ont dit la personne elle ne lit pas derrière l'imam, que ce soit dans la prière à voix haute ou la prière à voix basse. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّدِ وَهُوَ ضَعِيفِ. Donc il dit qu'ils se sont basés sur un hadith de Ibn Shaddad. On verra le hadith, بإذن الله. وَهُوَ ضَعِيفِ. ثُمَّ وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ. Il dit وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ أَنَّ الْمُؤْتَمْ لَا يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. قول الله عز وجل هذا في سورة الأعراف. Il dit par rapport à ceux qui disent que la personne qui prie derrière l'imam pendant la prière à voix haute ne doit pas réciter le Fatiha, ils se sont basés sur la parole d'Allah عز وجل dans سورة الأعراف. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Ici le Coran est récité, écoutez, prêtez-y oreille, وأنصتوا, c'est-à-dire avec le cœur, لعلكم ترحمون. Donc ils se sont basés sur ce hadith. وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية. Ensuite الشوكاني رحمه الله يقول الشافعي ils sont partis pour l'avis ou celui qui prie derrière l'imam, il récite la Fatiha, que ce soit dans les prières à voix haute ou dans les prières à voix basse. سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا. Il dit que peu importe s'il entend la lecture de l'imam ou s'il ne l'entend pas. وإليه ذهب بحديث عبادة بن الصامت. Donc, le troisième avis qui dit que c'est une obligation de lire la Fatiha pendant les prières à voix haute et à voix basse, ils sont basés sur le hadith عبادة بن الصامت. Donc, on tourne la page, page 225. حديث عبادة بن الصامت. الحديث رواه الدارقطني. وقال رجالهم رجاله كلهم ثقات يعني il a rapporté et il a dit que tous les gens qui ont transmis ce hadith sont dignes de confiance. Ubada rapporte que النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن. D'accord, ça c'est une version. Une autre version, Ubada ibn Samit, il dit صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه داود والترمذي وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. دونك سو حديث الخبث عليه الصلاة والسلام إلى بخيه لصبح. Et la prière, elle était lourde pour les gens qui étaient derrière lui, alayhi salatu wasalam. Quand il est parti, vous étiez en train de lire derrière moi. Ils ont dit, ya Rasulallah, oui, on était en train de lire, wallah, hey wallah. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, la taf'alu, ne le faites pas, ne lisez pas derrière moi, illa bi umm al-Qur'an, sauf avec la mère du Coran, yani umm al-Qur'an, wa hiya al-Fatiha. La salat liman lam yaqra biha, car celui qui ne prie pas avec, il n'a pas de prière. Car celui qui ne prie pas avec, il n'a pas de prière. Donc le hadith aussi avec lequel ils se sont basés, Shafi'iyya wa alladhina yaquluna anna al-qira'a qira'at al-Fatiha wajiba. Il s'adallu bi hadith Ubada ibn Samit aidan. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Pas de prière pour celui qui ne lit pas avec l'ouverture du livre, avec الفاتحة. رواه الجماعة. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Donc la prière n'est pas valide pour celui qui ne prie pas avec l'ouverture du livre. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. الألباني رحمه الله il est de l'avis ou la personne qui prie derrière l'imam durant la prière à voix haute ne récite pas. Et il dit que le hadith Ubad ibn Samit pendant la prière du subh a été mansoukh avec hadith Abi Huraira qui est rapporté par Abu Daoud wa Nasa'i wa Tirmidhi. Il dit que il a été abrogé par wa huwa alladhi yaqulu fihi an-nabi alayhi salatu wasalam ma li unaza'u al-Qur'an. Donc il a dit qu'il a été mansoukh. Munaza'a, c'est-à-dire s'entretirer. Il avait prié et il a dit est-ce que quelqu'un récitait derrière moi? Ils ont dit oui à Rasulallah. Qal fa inni aqul ma li unaza'u al-Qur'an. Je me disais comment se fait-il qu'on me tire le Coran? C'est-à-dire la personne elle lisait derrière le prophète alayhi salam. Ala ayn kalam في هذا واستدلوا بحديث ضعيف يعني aussi ceux qui disent que la personne qui est derrière l'imam ne doit pas lire la Fatiha pendant les prières, ils se sont basés sur hadith من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث منكر معلول طرقه كلها معلولة. Le hadith يعني se base aussi sur celui qui est un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture, c'est-à-dire celui qui est un imam qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam et pour lui une lecture. والاحاديث صراحه واضحه النبي عليه الصلاه والسلام dit كل صلاه لا يقرا فيها. Donc hadith اخر hadith امنا عائشه رضي الله عنها كذلك من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج غير تمام. Donc خداج c'est-à-dire qu'elle est pas complète. Elle n'est pas complète. Certains ulama, ils ont dit qu'elle est batila. Khidaj. est batila. Donc, ensuite, dans la, ensuite le Cheikh Shawkani, Rahimahullah, l'imam Shawkani, Rahimahullah, Faïda, dans la page, ensuite, page 226, il dit Faïda. Une chose très très importante. قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة وعرفانك أن تلك الأدلة صالحة لاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة فهو محتاج إلى إقامة البرهان يخصص contre vraiment que pour les prières à voix haute on ne doit pas réciter Al-Fatiha et il n'y a pas une preuve. Au contraire, il y a des preuves qui prouvent que toute prière, ici, toute prière, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, toute prière dans laquelle on ne récite pas Al-Fatiha, fahiya khidajun khidajun, veru tamam, elle est complète, fahiya khidaj. Donc, al-qawl al-rajih, laqad ikhtalafu fi al-qadi fi al-mas'ala, walakin al-qawl al-rajih, indi wa amil ila qawl al-shafi'iyya, خاصة أنهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة سواء في الجهرية أو السرية. Donc la plus juste des paroles c'est كلام الشافعي البخاري aussi والعثيمين كذلك وابن باز كذلك. Ils disent que c'est une obligation de lire الفاتحة et que le verset وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا عام, c'est une preuve générale. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة في تخصيص قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية. فنقول بإذن الله أن الإنسان يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل صلاة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل صلاة والحديث. ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ولا صلاة, صلاة جاءت نكرة صلاة. هذا ما عندي في هذه المسألة. Donc c'était pour éclaircir, parce que certains frères, moi c'est l'avis sur lequel je me penche vu les preuves qui sont authentiques et les preuves qui sont fortes et qui ont un poids. Je suis pour l'avis de lire le Fatiha pour chaque prière. هذا ما عندي في هذه المسألة. و السيلو جرار, c'est vrai que même Cheikh Ibn Baz il dit, il a une parole, il dit que si tu arrives en retard et que dans une prière, c'est-à-dire Subh ou l'Isha, Salah Jahriya, et que l'imam est en train de lire et qu'il a entamé la deuxième sourah, il a lu la Fatiha, il a entamé la deuxième sourah, l'imam Al-Bazi te dit, tu lis quand même, pendant que lui il lit la sourah, toi tu lis le Fatiha. Pendant les arrêts, lorsqu'il s'arrête entre les versets, entre chaque verset, dans le Fatiha, wa hada yahtaju ila dalil, certains ils ont dit, tu lis la Fatiha après que l'imam il a lu le Fatiha, wa hada yahtaju aydan ila dalil, fa naqul kama قال أهل العلم أنك تقرأ الفاتحة وفي نفس الوقت الذي يقرأه هو فيه الفاتحة. هذا ما عندي في هذه المسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.